Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et peut-être suivez-vous la télé-réalité américaine de Biggest Loser qui est diffusée sur le réseau NBC depuis 2004. À chaque saison, des participants y perdent rapidement du poids. Une première étude scientifique a mesuré les effets de cette perte de poids sur le métabolisme des participants. Alors, c'est le sujet de la chronique de Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition, qui vient faire la lumière sur cette nouvelle étude. Alors, bonjour Karine. Bonjour François. Alors Karine, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer en quoi consiste l'émission? Oui, en résumé, dans cette émission-là, le principe, c'est qu'il y a trois équipes de participants qui souhaitent maigrir et il y a trois entraîneurs. Donc, un entraîneur par équipe. Et puis, à chaque semaine, l'équipe qui a perdu le plus faible pourcentage de poids voit un membre de son équipe éliminé. Et à un certain moment donné, quand l'équipe est petite, donc là, ça devient de la compétition individuelle. On a toujours le même entraîneur. Et il faut savoir que la personne gagnante, donc à la fin de la saison, celle qui va avoir le plus grand pourcentage de perte de poids, va gagner 250 000 $. C'est une bonne motivation, là. Quand même. Et l'entraîneur du candidat, lui, va avoir 100 000 $. Donc, c'est évident qu'ils sont extrêmement motivés. Et puis, l'étude dont je vais vous parler ce soir, ça a été fait, en fait, durant la saison 8. Donc, c'est l'émission de la saison là, de 2009. Et c'est une émission qui est regardée, là, cette saison-là, par plus de 10 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Donc, c'est très important. Et l'étude dont je vais vous parler, bien, elle a été publiée en avril 2016 dans la revue scientifique Obesity par des chercheurs américains. Et l'objectif de ces chercheurs-là, c'était de mesurer les changements à long terme sur le métabolisme de base et la composition corporelle des participants de la télé-réalité. Donc, ils ont pris des mesures au début de la télé-réalité, donc à l'entrée dans l'étude. Ensuite, à la fin de la télé-réalité, donc de la télé-réalité, ça veut dire après 30 semaines de compétition, donc après 7 mois et demi. Et une troisième série de mesures a été prise 6 ans après la fin de la télé-réalité, ce qui nous amène en 2015, donc l'année dernière. Et dans cette saison-là, il y avait 16 candidats au départ, donc qui ont débuté l'étude, et 14 qui ont terminé. Et parmi ces 14-là, ben on a 6 hommes et 8 femmes. D'accord. Alors ça, c'est le portrait. Oui. Donc, avant d'aller plus loin, Karine, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la composition corporelle et le métabolisme de base? Oui, en fait, quand on parle de composition corporelle, on parle de la proportion de masse grasse et de masse maigre. Donc, la masse maigre, ça veut dire les muscles, les os, les tissus et l'eau. Et pour le métabolisme de base, donc on utilise parfois le synonyme métabolisme basal, c'est la même chose. Donc, c'est le minimum d'énergie ou encore de calories qui sont nécessaires pour permettre à notre corps de fonctionner au repos sur une période de 24 heures. Donc, pour maintenir les fonctions vitales, si on peut dire? Exactement. Donc, c'est pour le cœur, le cerveau, les poumons, pour maintenir notre température corporelle aussi. Et ce métabolisme de base-là dépend de plusieurs facteurs, dont notamment notre taille, notre poids, notre âge et notre genre aussi. Mais il y a d'autres facteurs qui vont l'influencer. Et pour vous donner une idée, même si c'est extrêmement variable, et j'y vais sous toute réserve, pour un poids, une personne qui aurait un poids considéré normal selon l'indice de masse corporelle, donc pour une femme de 35 ans, ça pourrait jouer autour de 1300 calories. Et pour un homme de 35 ans, là, environ 1600. Mais c'est vraiment pour vous donner un ordre de grandeur parce que c'est très variable. Et je disais tout à l'heure que ça varie selon l'âge. Donc, le métabolisme de base a tendance à diminuer de 2 à 3 % par décennie à l'âge adulte. Donc, ça veut dire que c'est une diminution là, d'environ 30 à 45 calories par décennie qu'on va dépenser au repos. Et cette dépense d'énergie-là, elle n'inclut pas la dépense énergétique de l'activité physique et de la thermogenèse alimentaire. Donc, la thermogenèse alimentaire, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est fait. Donc, thermo, c'est chaleur et genèse, c'est la fabrication. Donc, ça, c'est toute l'énergie qui est utilisée pour digérer les aliments, stocker les surplus, donc pour maintenir, par exemple, une glycémie normale pendant qu'on dort la nuit. Évidemment, notre corps va aller puiser de l'énergie à ce moment-là. Donc, ça, c'est cette énergie-là. Et notre métabolisme de base, bien ça, c'est la plus grande dépense énergétique. Donc, ça veut dire que c'est à peu près environ 70 % de notre dépense énergétique totale. Et est-ce qu'on peut modifier ou encore influencer notre métabolisme de base? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, bien, en fait, on peut l'augmenter, entre autres, quand on augmente notre masse musculaire par l'activité physique, ben oui. Parce que les muscles vont dépenser de l'énergie au repos, la masse grasse, non. Et on peut aussi le diminuer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais si on suit une diète qui est très faible en calories et qu'on n'a pas le minimum de calories nécessaires pour satisfaire notre métabolisme de base, mais à ce moment là, notre corps va se protéger. Hein. On dit que c'est un peu comme une famine. Donc, il va diminuer sa dépense d'énergie au repos, comme pour économiser. Donc, je disais tout à l'heure là, qu'une femme de 35 ans avec un indice de masse corporelle normal va dépenser environ 1300 calories pour son métabolisme de base. Mais des fois, on voit des diètes à 800 calories. Donc, on est beaucoup en bas de ça. OK. Et le fait de maigrir de façon considérable, comme dans la télé-réalité de Biggest Loser, est-ce que ça peut avoir, est-ce que ça peut ralentir le métabolisme basal des participants, ça? Ben oui, puis c'est ce que les chercheurs ont mesuré. Il y a certains candidats obèses là qui ont retrouvé leur poids d'origine, et puis certains pesaient même plus qu'avant la télé-réalité. Et ça, c'est pas juste à cause d'un retour aux habitudes initiales. Il y a vraiment quelque chose au niveau du métabolisme de base. OK. Et même si les résultats sont différents pour chacun des participants, est-ce que l'article rapporte des moyennes de ce qui a été observé dans l'étude? Je pense que la plus grande surprise des chercheurs, c'est que le métabolisme de base des candidats s'est pas adapté avec le temps. En fait, c'est intéressant, on a une mesure là 6 ans plus tard. Et bon, même si les candidats là, dans cet espace de 6 ans-là ont commencé à reprendre du poids, ben leur métabolisme de base a continué de diminuer. Oh donc là ça, là. C'est vraiment contraire aux hypothèses de départ. Et c'est comme si le corps travaillait à ramener les personnes à leur poids initial. Ils ont aussi vu une diminution de la leptine, qui est une hormone de satiété. Donc, la leptine, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que durant la perte de poids, elle a diminué, ce qui est normal. Puis quand les candidats se sont mis à reprendre du poids, elle s'est remise, elle aussi, à augmenter. Mais elle n'est jamais revenue à son niveau initial. Donc, autrement dit, après 6 ans, c'est comme si les participants sont moins rassasiés qu'ils auraient été normalement. OK, ils sentent moins le rassasiement, là, c'est exactement. Ça? Exactement, oui. Et quelles sont les caractéristiques des participants à leur entrée dans l'étude? Bien, en moyenne, ils avaient 35 ans et leur poids initial était de 328 livres. OK. Et quelles sont les moyennes à la fin des 30 semaines de la télé-réalité? Mais en fait, la perte de poids moyenne est de 128 livres. Donc, sur une période de 30 semaines, là, on peut dire qu'ils ont perdu en moyenne là, presque 4 livres et demi. Puis, on a vu une diminution de leur métabolisme de base de 610 calories par jour. Okay. C'est quand même important. Et la dépense énergétique totale, là, donc le métabolisme de base, l'activité physique, la thermogenèse alimentaire, donc cette dépense énergétique totale-là est restée plus faible malgré une augmentation de la pratique de l'activité physique. Donc, on voit vraiment que c'est des changements au niveau du métabolisme de base. Et quelles sont les moyennes après le suivi de 6 ans en comparant avec la fin de la télé-réalité? Mais les participants, en moyenne, ils ont repris 90 livres. Et il y a 57% des candidats qui ont maintenu bon au moins 10% de leur perte de poids. Mais après 6 ans, si on compare avec le début de la télé-réalité, la perte de poids moyenne là, elle est seulement de 26 livres. Et il y a un candidat, on s'en souvient qu'il y avait 14 candidats, donc il y en a un qui avait un poids supérieur à son poids initial. Il y a 5 candidats qui étaient à 1% de leur poids initial, donc ils sont pratiquement revenus identiques, et quand même 8 participants là, qui ont maintenu une perte de poids. Et en moyenne, le métabolisme de base a diminué de 704 calories, donc ce qui est encore une fois beaucoup. Bon, ouais. Puis le métabolisme de base, il a continué de diminuer même après la fin de la perte de poids. Donc, oui. Alors, et quels ont été les changements mesurés au niveau de la composition corporelle, par exemple? Oui. Donc, au départ, au niveau de la masse grasse, les participants avaient 49 % de masse grasse. Et après 30 semaines, ils ont diminué ça à 28 %. Donc, c'est un pourcentage là, qui est normal, entre autres pour les femmes rendues à 28 %. Et après 6 ans, le pourcentage de masse grasse est revenu à 45 %. Donc, on n'est pas revenu comme au début. On est quand même un petit peu en bas, mais on s'approche là, du niveau initial. Alors, une personne obèse, est-ce qu'elle peut espérer perdre du poids à long terme ou même pour toujours? Est-ce que c'est possible? C'est la grande question, hein, parce que quand quelqu'un a perdu beaucoup de poids, ça peut être une source d'inquiétude de voir une étude comme ça. Il n'y a pas de certitude sur l'effet d'une perte de poids importante sur le métabolisme de base, parce que ça diffère beaucoup selon les personnes. Hein. On part pas avec le même métabolisme. Donc, puis ça aussi, c'est une des rares études qui a mesuré les effets d'une perte de poids considérable en peu de temps. Et ce que les auteurs de cette étude-là rapportent, et qui est intéressant, c'est qu'il y a des ils rapportent les résultats d'une autre étude où des patients ont eu une chirurgie bariatrique. Oui. Où, en fait, c'était une dérivation gastrique roue en Y, où l'estomac est rapetissé et où l'intestin est directement connecté à cette petite partie de l'estomac-là. Ce qui fait qu'il y a de la restriction et de la malabsorption qui se fait. Donc, les patients perdent du poids. Et ce qu'ils ont constaté dans cette étude-là, c'est que les patients, ils avaient une adaptation métabolique après 6 mois, donc au niveau du métabolisme de base, qui diminuait. Mais après 1 an, il y avait plus d'adaptation métabolique. Comme si l'adaptation s'était faite de façon temporaire comparativement aux participants là, des missions de Biggest Loser. Et la même chose a été aussi observée chez des souris. Donc, une étude chez des souris qui ont eu une adaptation métabolique temporaire. Donc, c'est comme si le poids d'équilibre était réinitialisé à ce moment-là. Donc, c'est des résultats qui sont différents là, de ceux qui ont été observés. Est-ce que les conditions de perte de poids dans une réalité où tout est contrôlé sont très différentes de celles de la vraie vie, entre guillemets? Mais oui, hein, parce qu'on a tendance à vouloir se comparer. Ben oui. Mais évidemment, c'est un milieu qui est très contrôlé. On a des entraîneurs, un gym équipé, des nutritionnistes. On a congé de la famille, de l'emploi. Il y a pas le stress de la vie quotidienne autre que la perte de poids quand même. C'est quand même un stress, c'est une compétition. On a aussi un grand prix de 250 000 $ au bout. Puis, évidemment, The Biggest Loser, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Hein. Faut penser que c'est une télé-réalité, c'est un spectacle. Puis l'objectif, c'est de perdre du poids puis gagner de l'argent, hein, faut se le dire. Donc, c'est difficile de faire des liens avec des programmes de perte de poids qu'on pourrait suivre. Là. Tout à fait. Alors, au final, Karine, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude? Bien, évidemment, la question du poids, de la perte de poids, ça demeure complexe. Hein. Ça confirme encore une fois, parce que tout n'a pas été résolu avec cette étude-là. Et si une reprise de poids après une diète amaigrissante, ce n'est pas juste une question de volonté, de changement d'habitude, il faut se déculpabiliser parce qu'il peut y avoir une partie là, liée au métabolisme de base. Et on ne peut pas non plus prédire comment le poids d'une personne va réagir là, suite à une perte de poids. Et encore là, il y a plusieurs questions qui demeurent parce que les impacts ne sont pas identiques pour toutes les personnes. Puis, comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a d'autres études sur la perte de poids qui n'ont pas non plus observé de diminution significative du métabolisme de base. Donc, les auteurs conseillent quand même d'être vigilants sur le long terme en raison des adaptations métaboliques qu'il pourrait y avoir. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Karine, et je te souhaite un très bel été. Merci. Et pour en savoir davantage sur la nutrition et les comportements alimentaires, on peut visiter ton site à karinegravel.com. Alors, quant à nous, on va faire une courte pause musicale sur CKRL au 89.1.